Thank you.

Sœur. Dock of the Bay. Je suis pas très bon en anglais, hein, mais bon. Otis Redding. Excuse-moi, mais il y a mon clavier qui... J'ai un clavier qui bug. C'est pas en 110, c'est en 105. Si ça te dérange pas. Est-ce que en 105 ça m'irait bien? En 105. Ah non, mais là tu fais toute la... Tu fais du Johnny là? Je peux faire du Johnny aussi. Ouais, si tu veux, on peut faire du Johnny. Mais là j'ai une version piano là. Attends. Je vais voir si je la retrouve. Alors par contre, vous inquiétez pas, c'est du 64. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Attends, je vais te la mettre. Attends. Je vais te mettre la...